cette semaine est disparu un des pionniers du rock'n'roll, Jerry Lee Lewis. Et nous avions décidé de nous permettre de rendre hommage à Jerry Lee Lewis dès le début de l'émission, voire même avant l'émission. Donc voici un titre bien significatif de Jerry Lee Lewis. C'est Great Balls of Fire. Salut tout le monde, comment allez-vous? C'est Thierry Gallet, c'est la saga des Fab Four numéro 540 et aujourd'hui l'album de la semaine, tout le monde le sait, même dans les radios généralistes, on en a parlé, c'est l'album Revolver, le remix 2022 fait par Gilles Martin, le fils de Sir George Martin et qui nous a fait du sacrément bon boulot. On va écouter un paquet d'extraits, je peux même pas vous en parler trop parce que je vais vous donner 3-4 titres parce que c'est ce que je fais habituellement, mais il y en a beaucoup. Il y a, je crois, quelque chose comme 50 minutes de l'émission qui seront consacrées uniquement à l'album Revolver. On entendra Taxman, il y aura Yellow Submarine, bien entendu, il y aura Eleanor Rigby, Among the Sleeping, je m'en souviens, je l'ai vu quelque part, She Said, Good Day Sunshine, Got to Get You Into My Life, etc., etc., etc. Donc ça va être une très très belle journée, pour soirée d'ailleurs. Pour les autres, les Fab Four, il y aura Oh Woman Oh Why par exemple, par McCartney, c'est une phase B, mais vous le retrouvez sur l'album Ram en 71. Il y aura pour les Lennon, Year Blues, mais avec une sacrée équipe, Keith Richards, Eric Clapton et Mitch Mitchell, c'est le Dirty Mac pour le Rock'n'Roll Circus des Rolling Stones. Il y aura également du George Harrison avec Let It Down sur All Things Must Pass. Et pour Ringo Starr, il y aura par exemple Photographe. Voilà, vous nous retrouvez sur Facebook dans le groupe La Saga des Fab Four. Et on se dit bonjour, on se sert un petit verre. Pour moi, ce sera un coca, ça suffira. Et on va commencer dans quelques secondes.

McCartney en 45 tours, messieurs, dames. C'est la phase B de Another Day. Mais maintenant, si vous achetez l'édition remasterisée de l'album Ram, vous trouverez cette chanson-là sur l'album Ram. Voilà la petite précision que je voulais apporter. Attention, cette chanson est signée John Lennon, mais il y a très peu de Beatles là-dedans, puisqu'il y a Eric Clapton, il y a Mitch Mitchell, je l'ai dit, et Keith Richards. C'est le rock'n'roll circus des Rolling Stones, avec John Lennon, évidemment, à la clé. Ça donne un son différent, un son très blues. Girl, you know the reason. In the morning, wanna die. In the evening, wanna die. If I ain't dead already, girl, you know the reason. My father was of the earth, but I am of the universe, and you know what it's worth. I'm lonely, wanna die. If I ain't dead already, girl, you know the reason. My bones feel so suicidal, just like Dylan's Mr. Jones. I'm lonely, wanna die. If I ain't dead already, girl, you know the reason why. Black cloud crossed my mind, blue mist round my soul. Suicidal, even hate my rock and roll. I'm lonely, wanna die. If I ain't dead already, ne vient pas de moi, c'est dans le disque. Là, c'est vraiment une version qui arrache, qui dépote, qui tout ce que vous voulez. Je vous propose de revenir à l'album de la semaine. L'album de la semaine, c'est Revolver. Et le titre du morceau, vous l'avez écouté la semaine dernière, c'est d'abord John Lennon qui cherche... qui fait une démo un petit peu pour créer cette chanson Yellow Submarine. Donc il commence par « Dans la ville dans laquelle je suis né », mais tout le monde s'en fout, tout le monde s'en fout. Et puis cette fois-ci, nous allons écouter juste derrière la version finale avec Ringo Starr. « In the place where I was born, no one cares. Tu me donnes un coup de main? Ok, je te donne un coup de main. Alors, qu'est-ce qu'on fait? Eh bien, on fait ça. Where I was born, lived a man who sailed to sea, and he told us of his life in the land of submarines. So we sailed unto the sun till we found the sea of green, and we lived beneath the waves in our yellow submarine. We all live in a yellow submarine, yellow submarine, yellow submarine. We all live in a yellow submarine, yellow submarine, yellow submarine. And our friends are all aboard, many more of them live next door, and the band begins to play. We all live in a yellow submarine, yellow submarine, yellow submarine. We all live in a yellow submarine, yellow submarine, yellow submarine. As we live a life of ease, every one of us has all we need. Sky of blue and sea of green in our yellow submarine. We all live in a yellow submarine, yellow submarine, yellow submarine. We all live in a yellow submarine, yellow submarine, yellow submarine. We all live in a yellow submarine, yellow submarine, yellow submarine. Pour une fois, je pourrais dire, nous avons écouté Jerry Lee Lewis avec Great Balls of Fire. Oui, c'était avant le début de l'émission. Nous avons écouté Taxman des Beatles, Oh Woman Oh Why, la face B de Another Day pour Paul McCartney, Your Blues de John Lennon, mais avec d'autres copains que les Beatles. Et puis, à nouveau les Beatles, dont Ringo Starr. Et donc, c'est le moment de tout vous dire sur Lovely Rita. Lovely Rita, c'est la gardienne du meilleur site pour tout comprendre sur les Beatles. Écoutez. Lovely Rita, c'est la responsable du Beatles Magazine à Londres. Et si vous voulez tout savoir sur John, Paul, Ringo, George, il vous suffit d'aller sur beatlesmagazineuk.com. C'est 7 jours sur 7, 24 heures sur 24.

rançon de 3 ans pour l'album Ringo en 1973. Je vous le dis à chaque fois, c'est le seul album sur lequel il y a eu les 4 Beatles, mais presque en même temps, presque. Il a coécrit avec George Harrison une chanson qui s'appelle Photographe, et en 2002, lorsque il y avait eu le concert pour George, il a dit, cette chanson, les paroles, même si elles sont les mêmes, n'ont plus la même signification pour moi. Oui, puisque si vous écoutez les paroles, il regarde une photo de quelqu'un qu'il a aimé, et cette personne, il sait qu'il ne la reverra plus, qu'il ne reste plus que la photo. Eh bien, ça peut s'appliquer à une petite amie quand on est amoureux d'une fille, mais ça peut s'appliquer aussi à un super pote qu'on a perdu et dont on regarde la photo et on se dit, ben, il me manque, je l'aimais énormément. Voici la chanson, j'allais dire l'album. La chanson, Photographe, sur RIG. Une très très bonne chanson de Ringo. Nous revenons en arrière, c'est ce qu'on fait sans arrêt dans la saga, si vous faites attention. Nous passons de 1973 à 1966 pour revenir à l'album de la semaine. Et cette chanson, Eleanor Rigby, comme pour nombre de ses chansons,

isn't that crazy? I just have to vamp it up a bit. Now he tells me. How are you gonna get me? Not all right. Well, I wake up early in the morning. Lift my. And I'm still. Oh! Hey? Okay. Okay, let's hit this, shall we? Hello. Gonna sing, or ain't you? Hang on, just a second. Malcolm, have you got this by your plectrum, please? I've got it in the mills of un peu le bordel, d'accord, mais ce n'est que la deuxième prise. La version finale, ça donne ça. Écoutez au casque. Vieux de 56 ans peuvent avoir une telle pureté. On a l'impression qu'on est dans le studio. C'est impressionnant. Cette chanson-là date des tournées 72, de l'année 72 de Wings, de Paul McCartney donc. C'est Best Friend sur RG. Écoutez fort. C'est une hypothèse que j'avance, je ne suis sûr de rien. Mais à mon avis, McCartney n'avait pas publié cette chanson Dear Friend, Best Friend, pardon, en 1972, parce que il l'avait publié un an avant sur l'album Wildlife, la chanson Dear Friend. Et donc ça faisait peut-être répéter la même chose. C'était encore une fois une main tendue vers son pote John Lennon qui, à l'époque, n'avait pas trop envie de le voir et lui en voulait. Bon, mais il se sera conseillé depuis largement et c'est très très bien comme ça. On revient à All Things Must Pass avec la chanson éponyme. Elle est trop bien pour que je ne vous la propose pas ce soir. De George Harrison à la suite. D'abord All Things Must Pass, puis Living in a Material World. Deux fois la chanson qui a donné son nom à l'album et inversement. En plein cœur de la saga des Fab Four numéro 540, ici sur RIG 90.7 pour ceux qui ont la FM, et pour tout le reste, que ce soit sur Bordeaux ou n'importe où sur Terre, c'est www.rigfm.fr. Et l'album de la semaine, c'est l'album Revolver, sorti en 1966 et ressorti sous forme de coffret maintenant, avec un son mais à tomber. C'est absolument merveilleux. Revolver, débordé d'idées neuves, de la diversité, est devenu la matière première du rock'n'roll. Mais à l'époque, ce disque défiait les conventions de la musique pop. Revolver permit non seulement d'introduire des styles nouveaux, allant des cantines à des mélanges psychédéliques de bandes en boucle, mais présentait également une incroyable diversité de sujets, de chansons. Les impôts, le bouddhisme tibétain, les médecins en infraction avec la loi, les vieilles filles solitaires, le sommeil, les sous-marins. Et le soleil. Pourtant, malgré son aspect expérimental, Revolver restait un album accessible. Et Eleanor Rigby, 401, Here, There and Everywhere, qu'on va écouter dans quelques instants, étaient trois des plus belles chansons jamais composées par Paul et furent aussi parmi les plus populaires. Taxman et I Want to Tell You étaient de superbes compositions de George et les séquences oniriques de John, Amandly Sleeping, She Said, étaient tout à fait représentatives de l'état d'esprit de l'époque. L'album sorti durant leur dernière tournée, mais aucun de ces 14 morceaux ne fut jamais joué sur scène. Ils étaient entrés dans une nouvelle phase, n'ayant plus aucun lien avec la scène, et étaient heureux de se concentrer sur leurs enregistrements plutôt que d'être obligés de composer à la va-vite, entre deux concerts, entre deux avions, ou entre deux apparitions au cinéma et à la télévision. Revolver sorti en août 66 et se classa en tête des charts de deux côtés de l'Atlantique, comme à l'accoutumée. Et qu'est-ce qu'on peut dire sur Here, There and Everywhere qu'on va écouter dans quelques instants? C'est Paul qui l'a composé, bien entendu, ses rapports avec Jean Escher étant de nouveau au beau fixe. Il composa ce qui est également considéré comme sa plus belle chanson d'amour. Tant John que Paul déclarèrent que c'était l'une de leurs chansons favorites. Paul la réenregistra même bien plus tard pour son film Give My Regards to Broad Street en 1984. Paul composa Here, There and Everywhere en juin 66, assis au bord de la piscine de la maison de John. Il venait de découvrir le nouvel album des Beach Boys, Pet Sounds, qui l'avait impressionné par sa complexité musicale et l'inventivité de ses harmonies vocales. Il voulut composer quelque chose qui reflèterait la même ambiance. Eh bien, Paul le caméléon, ça c'est mon avis, tu as réussi. She's beside me, I know I need never care.

Les Beatles, la plupart des groupes chantaient des chansons qu'un tandem de... Enfin, pas obligatoirement un tandem, de compositeurs composés pour eux. Par exemple, Lieber et Stoller ont composé des chansons pour Elvis et pour des tonnes d'autres personnes. Cette chanson-là, I Keep Forgetting, est extraite... Enfin, a été composée par Lieber et Stoller et en 1983, c'est Ringo qui a voulu la reprendre sur son bon album Old Wave. Voilà ce que je voulais dire. Après, il fera un break pendant 6 ans parce qu'il avait des petits problèmes d'alcool et tout ça, il a voulu, et de drogue, il a voulu se libérer de tout ça. Il s'est libéré de tout ça et quand il est revenu, moi je trouve qu'il est excellent depuis 1989 et même un peu avant, parce que je vous ai toujours dit qu'à partir de 81, il reprend le dessus. En gros, il est très bon de 70 à 75, 76. Il a un trou entre 76 et 81. Et puis après, il revient du bon côté de la force et c'est tant mieux. Et nous, nous allons rester avec l'album Revolver en 1966 et la démo She Said, She Said de John Lennon avant d'écouter la version finale. Hello? Hello? Okay. Peu abrupt, mais ça c'est du grand John Lennon, il ne terminait pas toujours ses chansons. Voici la version finale. I said used to say, live and let live. You know you did, you know you did, you know you did. But if this ever-changing world in which we live in makes you say, live and let die. Musique de James Bond des années 70, Live and Let Die. Alors, c'est pas le meilleur James Bond, par contre. C'est le James Bond qui faisait apparaître Roger Moore pour la première fois. C'est loin d'être le meilleur James Bond. Mais bon, allez, on se fait une cover, mais c'est plus un hommage à Jerry Lee Lewis. Voici Whole Lot of Shaking Going On par Jerry Lewis sur, encore une fois, la bande originale du film Great Balls of Fire, sorti en 1989, dans laquelle il avait repris ses chansons des années 50 en mettant beaucoup plus de pêche. Écoutez cette version extraordinaire. La version que je vais vous proposer ensuite est beaucoup moins endiablée que celle-là. C'est néanmoins une version qu'a fait Paul McCartney dans les soundchecks avant un concert. Voici A Whole Lot of Shaking Going On par Paul McCartney. Ok. All right. Wiggle around just a little bit. Shake it off.

Que j'ai dit tout à l'heure, la dernière apparition sur un disque studio de George Harrison pour la guitare, oui, sur un disque de ses copains, parce qu'il a évidemment fait encore l'album Brainwashed, qu'il avait préparé en tout cas. Mais voilà, c'est ce que je voulais dire, mais j'ai oublié de me taire parce qu'il commençait à chanter. Les Traveling Wilburys, Nobody's Child, sur RIG. As I was slowly passing an orphan's home today, I stopped for just a little while to watch the children play. Alone the boy was standing, and when I asked him why, he turned with eyes that could not see, and he began to cry. I'm nobody's child, just like a flower, I'm growing wild. No mama's arms to hold me, no daddy's mine, nobody wants me, places just like this, with rows and rows of children, babies in their cribs. They've long since stopped the crying, as no one ever hears, and no one's there to notice them or take away the fears. Nobody's child, nobody's child, just like a flower, they're growing wild. Got no mommy's kisses, and no daddy's smile, nobody wants them. Ce n'est pas une chanson originale des Traveling Wilburys, puisque cette chanson est une reprise de Hank Snow qui l'avait chantée en 1949 sur un 45 tours peut-être. C'est pas écrit. Il n'est pas écrit si c'est sur un 33 tours ou sur un 45 tours. C'est pas grave. En tout cas, vous l'aviez à l'origine pas sur un album, vous l'aviez sorti sur l'album Romanian Angel Appeal, un album de charité. Et il me semble que sur cette chanson-là, il y a Ringo Starr à la batterie. Pas sur la vidéo, mais à la batterie. Au moment où ils enregistrent la chanson, c'est Ringo Starr qui joue de la batterie. vous savez tout. Et donc maintenant, on revient à l'album de la semaine encore une fois, avec deux versions de Got to Get You Into My Life sur RIG. So we start by fading up or bringing up. Fade this up, you mean? Fade the organ? Not fade it up, just play it a bit before. One, you two, three, it, four. So it doesn't start off with down, but it's already. So playing. How do we get into it? Well, George carries on counting, but you just start on three. No, we fade it in, you mean, after? But not fade in, just bring it in from wherever it comes in, and you don't get the. Just switch it in, so you don't get any of the organ starting up. Well, you get that. But if you do it before, we'll cut you cut that bit off. No, I don't see how you're going to get any different sound from that. You can get the organ without the start of it. Why, though? Because it won't be turned on. No, you only counted one. Five, don't you, basically? So right, waiting. One, two, three, four. I was alone, I took a ride, I didn't know what I would find there. Another road where maybe I could see another kind of mind there. Ooh, and I suddenly see you. You didn't run, you didn't lie, you knew I wanted just to hold you. And had you gone, you knew in time we'd meet again, for I told you. Ooh, you were meant to be near me. And I want you to hear me say we'll be together. What can I do? What can I be? When I'm with you, I wanna stay there. If I'm true, I'll never leave. And if I do, I know the way there. Ooh, then I suddenly see you. Ooh, did I tell you I need you? Every single day of my life. Dans n'importe quoi là, mais c'était la première version et la prise numéro 5. On travaille un petit peu tout ça et finalement voici la version finale. I was alone, I took a ride, I didn't know what I would find there. Another road where maybe I could see another kind of mind. Time we meet again, for I had told you. can I do? What can I be when I'm with you? I wanna stay there. If I'm true, I'll never leave, and if I do, I know the way there. Ooh, then I suddenly see you. Ooh, did I tell you I need you every single day of my life? Got to get you into my life. Get you. Oui, il reste 10 minutes d'émission, mais Eric n'est pas là et je vois sur mon ordinateur qu'on peut encore tenir une bonne vingtaine de minutes. On va passer tout ce qui est écrit sur la playlist, tout. Une chanson que j'adore, sur un album que j'adore. L'album, c'est Back to the Egg, la chanson To You, Paul McCartney, sur RG. Sur Facebook, l'attendez. Voici Tomorrow Never Knows sur RG. Turn off your mind, relax and float downstream. que Tomorrow Never Knows est la dernière sélection de l'album et l'indication la plus évidente de la musique à venir, il pouvait paraître logique de supposer qu'il s'agissait du dernier morceau enregistré pour Revolver. Pourtant, ce fut au contraire le premier. Les Beatles n'avaient encore jamais signé rien d'aussi étrange et expérimental. John disait tout simplement qu'il voulait donner un aperçu en mots et en musique de son expérience du LSD. Oui, c'est peut-être pas un truc à faire quand même. Le titre de travail de cette chanson était d'ailleurs The Void, le vide. Et pour la partie vocale, il voulait chanter comme un chœur, écoutez bien, comme un chœur de moine tibétain sur le sommet d'une montagne. Il voulait qu'on entende les mots sans l'entendre lui, raconte George Martin. L'effet final, qui donne une impression que John chante depuis le bout d'un long tunnel, a été obtenu en faisant passer le signal de son micro à travers les circuits d'une enceinte Leslie. Je ne vois pas du tout ce que ça veut dire, néanmoins on voit très bien le résultat final. Je me dis que McCartney, il arrivait quand même en studio en disant « Voilà ce que je veux ça, je veux ça, je veux ça » et on allait vers ça. Lennon disait « J'ai eu une idée et je veux qu'on m'entende depuis l'espace, depuis Mars, et puis que ma voix passe à travers des égouts, etc. Et vas-y George Martin, débrouille-toi avec ça. C'est plus compliqué de travailler avec John. » Je trouve en tout cas. Mais comme je l'ai dit il y a un petit moment sur cette antenne, cet album regorge de sons complètement différents. La preuve, voici Love You Too sur RIG. C'est George Harrison qui amène le sitar dans la musique pop. Je vous ai passé la version karaoké. Bon, allez, voici la version finale. Pour info, juste avant, c'était la prise numéro 7. Just go so fast. I turn around. maintenant, je vous propose une chanson. Enfin, vous allez reconnaître, je suppose, le style. Sauf que cette chanson a été enregistrée à la vitesse d'origine beaucoup plus rapidement qu'au final. Écoutez. Ça. Donc chapeau pour Ringo d'avoir suivi à la batterie et même Paul McCartney pour la basse, hein. Chapeau, il a failli aller à fond. Bon, ils étaient jeunes à l'époque, donc pourquoi pas. Et puis finalement, on ralentit pour donner cette version finale. Oh, my God. You can't see me. When your prizes start to weigh you down, look in my direction. I'll be round, I'll be round. You tell me that you've heard every sound there is, and your bird can swing, but you can't hear me. You can't hear me. Bike is broken, will it bring you down? You may be a woman. I'll be round, I'll be round. Tell me that you've had everything you want, and your bird can sing, but you don't get me. Il y avait un petit peu de fumette là-dedans, parce que franchement, je vous propose la même version, mais en mono. C'est volontaire, c'est pour vous donner la version finale en mono pour une fois. Dernière chanson, c'est maintenant, c'est Boys, sur l'album June Solon and his Rhythm and Blues Orchestra. Ringo Starr et ses potes. I've been told when a boy kiss a girl, take a trip around the world, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, you say you do. My girl says when I kiss her lip, she gets a thrill to a fingertip, hey, hey, hey, hey. Hey, hey, hey, he said you do. sais, vous en auriez voulu plus, vous auriez voulu que ça dure un peu plus longtemps. Eh bien, ce sera peut-être le cas la semaine prochaine. Merci à vous toutes et tous. Je vous souhaite une bonne soirée. Pas Eric ce soir, il est en balade quelque part dans le monde. En France déjà, c'est pas mal. On lui souhaite d'ailleurs de bien que ça se passe bien. Et puis voilà, bonne soirée et à la semaine prochaine. Salut.